famme. Femme seule, femme épouse, je t'adore. Femme mère, femme seule, femme épouse. Je t'adore. Comme l'homme, Dieu t'a créé sur terre pour que tu vives avec lui dans l'amour. Comme l'homme, t'as créé sur terre pour que tu vives avec lui dans la joie. Tu es la joie et la tristesse, tu es le feu et l'eau qui coule, tu es l'amour et tu es la haine, tu es la source de vie, tu es la paix et la violence, tu es la patience et l'insolence, tu es le bien et tu es le mal. Femme, je t'adore. Femme mère, femme sœur, femme épouse, je t'adore. Femme mère, femme sœur, femme épouse. Tu es la lumière et les ténèbres, tu es le soleil et tu es la lune, tu es le jour et tu es la nuit, c'est toi qui tiens notre monde, tu es le miel et tu es l'abeille, tu es la rose et tu es l'épine, tu es le sel de nos foyers. Thank you. vivre sans toi.